enseignements par le vénérable Sayadaw Unanujota Bivamsa, Centre de méditation d'Amarancy de Rivière, 9 juillet 2022. Sayadaw nous a parlé depuis une dizaine de jours des facteurs d'illumination, les Sambojanga, et il nous a expliqué comment nous devons nous y prendre pour les développer en nous. Il va poursuivre son enseignement à ce sujet et nous expliquera quels sont les avantages de ces Bojanga et les bénéfices qu'ils amènent. Parmi ces 7 facteurs d'illumination, le 7e est tout particulièrement important. C'est Upeka Sambojanga, le facteur d'illumination de l'équanimité. Ce facteur est particulièrement important. Il va atténuer puis à terme faire disparaître la tendance à prendre parti, l'attachement et l'aversion pour les contacts sensoriels va finalement disparaître complètement. Cette tendance va disparaître. Les gens, en général, recherchent les contacts agréables, ceux avec lesquels ils aiment se trouver associés. Mais s'ils s'investissent dans ces contacts agréables, cela veut dire qu'ils ont choisi, ils ont pris parti, ils s'y sont investis, ils s'y attachent. Parfois, ils entrent en contact avec des objets désagréables. Ils vont les fuir, ils vont leur résister. Mais s'ils s'investissent ainsi dans ces contacts désagréables, ils ne sont plus impartiaux, ils ont pris parti une nouvelle fois. Leur esprit est alors déséquilibré. Upeka, l'équanimité, se situe précisément entre ces deux extrêmes. Comment se fait-il que notre esprit passe ainsi constamment du désir à l'aversion? C'est tout simplement parce que ce facteur de l'équanimité n'est pas encore présent en nous. Quel que soit le côté vers lequel on penche, cela va amener la souffrance. Notre vie sera malheureuse. La qualité qui va nous permettre d'éviter cette souffrance, d'échapper à ces constants balancements d'un extrême à l'autre, c'est le fait d'être équanime. Mais dans le monde, les gens se complaisent dans ce perpétuel va-et-vient entre l'agréable et le désagréable. Ce balancement continuel d'un extrême à l'autre leur semble naturel et leur est même nécessaire. Les gens vivent dans le monde d'expériences sensorielles. Sans ces expériences sensorielles avec les extrêmes qui l'amènent, ils ne seraient pas heureux. Ils pensent que expérimenter ces objets, agréables et désagréables, c'est le bonheur. Ils ne savent pas que le calme et la tranquillité amènent un bonheur infiniment supérieur à ce bonheur qui s'enracine dans les contacts sensoriels. Dans les textes, il est écrit que les êtres pourront se libérer du courant incessant des phénomènes physiques et mentaux. Le samsara, ils vont pouvoir s'en libérer grâce aux facteurs d'illumination. On dit que les facteurs d'illumination peuvent défaire l'armée des kilesa, l'armée des impuretés, les armées de Mara. Et lorsque ces impuretés auront été détruites, on se libère du monde d'expérience sensorielle, du monde de la matière fine et du monde sans matière. Si on se libère de ces trois mondes, qu'on n'y reprend plus naissance, on va réaliser que rien n'existe et on comprendra ce que veut dire être libre par rapport à ces trois mondes. Ne plus reprendre naissance dans aucun de ces trois mondes, cela ne veut pas dire que rien n'existe. Cela veut simplement dire, pour nous, il n'y aura alors plus de renaissance. Reprendre naissance dans l'un ou l'autre de ces trois plans veut dire que nous serons encore toujours reliés au samsara avec la naissance, la maladie et la mort. Les facteurs d'illumination sont donc le Dhamma qui va nous permettre de réaliser Nibbana et d'échapper à toute renaissance. et de la souffrance que cela implique. Nous sommes encore dans le samsara et nous méditons. Que peut-on donc espérer des bojangas? Dans les textes, il est expliqué que les bojangas vont amener la guérison. Les bojangas ne vont pas uniquement nous permettre de nous guérir de certaines maladies, ils vont également nous permettre de faire face efficacement aux vicissitudes de la vie. C'est le bénéfice qu'amène le développement des bojangas pour les personnes qui se trouvent encore dans le samsara. Que veut dire se guérir des maladies? Cette guérison va se faire via la pratique. Lorsque les gens souffrent de maladies dites incurables, s'ils pratiquent et qu'ils réussissent à développer les bojangas, ces facteurs peuvent les débarrasser de cette maladie. La maladie dont il est question ici, c'est la maladie mentale. Les bojangas, les facteurs d'illumination, peuvent donc nous guérir de ces maladies, mais ce n'est pas garanti. Il faut comprendre ici que maladie veut dire maladie mentale. Le désir avide, la colère, l'orgueil, l'envie, la jalousie, c'est de ce type d'impureté qu'il s'agit ici. Si nous respirons de l'air vicié, nous tomberons malades physiquement. S'il y a dans l'esprit des impuretés, des pollutions, on tombera malade mentalement. L'esprit va devenir confus à cause de ces pollutions. Et cette pollution de l'esprit va affecter le corps qui lui aussi va tomber malade. Il sera impur. Lorsqu'on pratique Satipatthana, qu'on fait l'effort d'observer en visant l'objet, on peut dire que Sati, l'attention, est présente à chaque annotation. Samadhi, la concentration, est également présente. Ceci équivaut à respirer un air pur. Lorsque la pratique se développe, que le méditant commence à faire la différence entre les phénomènes physiques et les phénomènes mentaux, un nouveau type de propreté, de pureté va s'installer dans l'esprit. Ceux qui atteignent un niveau encore plus élevé, les causes et les effets, auront un plus grand niveau de propreté dans l'esprit. Et le méditant qui expérimente anicca, dukkha et anatta, l'esprit va devenir encore plus pur. Chaque fois qu'on notera un objet avec cette qualité d'attention, cet esprit pur, et qu'on le fait sans interruption, cela va encore fortifier l'esprit et la pureté de la connaissance va apparaître. Le méditant qui atteint ainsi le stade des apparitions et disparitions rapides des phénomènes va devenir très vif, son attention sera devenue très précise, très active, capable d'attraper l'objet à l'instant même où il apparaît, et la joie va se manifester en lui. Les niveaux supérieurs de joie peuvent même parfois être obtenus, la joie envahissante par exemple. Lorsque l'esprit et le corps expérimentent passadi, le calme, la tranquillité, il n'y aura plus de résistance par rapport aux objets désagréables. Et cette expérience est unique. Lorsque le yogi aura atteint Upekkha Sambojanga, le facteur d'équanimité, son esprit ne s'opposera plus à quoi que ce soit et ne sera plus jamais attiré par quoi que ce soit non plus. C'est la meilleure situation qui puisse se produire. Lorsque donc on aura expérimenter la saveur du Dhamma, le sang qui circule dans le corps en sera affecté, il va devenir très pur également. Si les bojangas se manifestent sans interruption, cette circulation sanguine très pure va également devenir permanente et le corps sera irriguée en permanence par cette circulation sanguine très pure. On peut comparer cela à l'électricité. La lumière qu'elle produit n'est pas continue. C'est une succession de moments de lumière extrêmement rapides. C'est la même chose pour la circulation sanguine qui est devenue très pure. Elle va circuler par un coup très rapide dans le corps. La joie également va se manifester grâce à cette circulation sanguine. Le corps et l'esprit deviennent très légers, performants, et lorsqu'on pratique en posture assise, par exemple, on peut le faire pendant une très longue période, sans ressentir le moindre inconfort. Le Dhamma extraordinaire va alors se manifester. L'esprit sera devenu malléable, actif, performant, et c'est alors que d'anciennes maladies sont susceptibles d'être éliminées. Lorsque le méditant atteint le stade des apparitions et disparitions rapides des phénomènes, c'est le début de Upekkha Sambhojanga. Avant ce stade, le méditant était déjà en mesure d'expérimenter Anicca, Dukkha et Anatta. Mais ces réalisations s'accompagnaient alors de réflexions à propos de ces réalisations, de ces expériences. À cause de ces pensées, son esprit n'était pas tout à fait pur. Sa foi n'est pas encore très développée à ce stade, pitié la joie non plus. Mais dès qu'il aura réalisé l'apparition et la disparition rapide des phénomènes, cette expérience extraordinaire va rendre son esprit capable d'attraper l'objet dès son apparition. Il verra peut-être des lumières, sukha, le bonheur, piti, la joie, et toutes sortes de sensations inhabituelles qui vont se manifester en lui de façon très claire. C'est donc au stade des apparitions et disparitions rapides que ces phénomènes inhabituels commencent à se manifester. Lorsque tout ceci se produit, passadi la tranquillité, les lumières, les expériences inhabituelles, le méditant qui n'est pas bien informé pourrait penser qu'il a atteint l'illumination, qu'il a atteint le but. Bien souvent, il va s'attacher à ses expériences. C'est ce que l'on appelle l'arrêt intérieur. Il ne progresse plus. Il faut noter ses expériences de façon objective. Il ne faut pas s'y attacher, car si on s'y attache, l'arrêt intérieur va se présenter. Par contre, si le méditant réussit à noter ces phénomènes, il pourra reprendre sa progression. Le seul devoir du yogi, c'est de noter ce qui se manifeste à chaque instant. Il n'a rien d'autre à faire. S'il ne fait pas son travail, qui consiste donc à noter, on peut dire qu'il ne travaille pas bien, il ne médite pas bien. Piti la joie ou sukha le bonheur se manifeste, le yogi doit tout simplement noter. Lorsque le professeur leur dit qu'ils ne procèdent pas bien, le yogi pourrait se fâcher. Mais le professeur doit trouver une façon de présenter cela au yogi de façon à ce qu'il ne soit pas fâché. Il doit lui expliquer que s'il note ces phénomènes inhabituels, il va progresser encore beaucoup plus. Il lui explique que s'il obéit aux instructions, qu'il note ces choses agréables, les expériences qu'il aura ensuite seront encore plus formidables. Il doit lui expliquer que s'attacher à ces expériences extraordinaires, ce n'est pas la voie. Par contre, les noter de façon objective, c'est la voie. Si vous réussissez à noter ces expériences, vous serez de plein pied dans la voie juste. L'élève doit donc écouter les recommandations de son professeur et essayer de les appliquer. Ces phénomènes comme la joie, le bonheur, les lumières vont petit à petit s'estomper et finalement disparaître. Le yogi va alors poursuivre son effort et il va expérimenter des choses encore plus profondes et plus impressionnante. Sa connaissance va progressivement se développer, étape par étape, et il finira par atteindre l'état d'équanimité, upekkha. À ce stade, il pourra rester assis très longtemps sans ressentir le moindre malaise. Sukha, le bonheur, procède de la concentration. Mais il y a un bonheur supérieur qui va se manifester plus tard, qui s'enracinera dans la connaissance. Et lorsque les objets auront cessé de se manifester, qu'il n'y aura plus non plus d'esprit qui note, lorsque tout cela aura disparu, Santi Sukha va apparaître, le bonheur qui s'enracine dans la paix, dans la tranquillité. Santi Sukha, le bonheur qui s'enracine dans la paix, est bien supérieur au bonheur qui s'enracine dans la concentration. Lorsque le yogi l'expérimente, il se libère de la souffrance liée au fait de tomber malade, vieillir et mourir. Vous qui êtes ici, vous avez pratiqué, certains d'entre vous ont atteint le bonheur qui s'enracine dans la concentration samadhi. Si vous persévérez dans votre effort, vous pourrez développer encore votre concentration qui va devenir excellente, et ceci va vous permettre, lorsque votre pratique sera devenue mûre pour cela, d'expérimenter Santi Sukha, le bonheur qui s'enracine dans la paix éternelle. Lorsque vous rentrerez chez vous, n'abandonnez donc pas la pratique, continuez à développer votre concentration, ne la laissez pas tomber, continuez à méditer jusqu'à ce que vous ayez réalisé Santi Sukha. Sayado espère que vous serez tous en mesure d'y arriver, de développer Samadhi Sukha, de poursuivre votre effort et de réaliser finalement Santi Sukha. Ceci termine l'enseignement qui portait sur les bénéfices qu'apportent les facteurs d'illumination. Sadhu, sadhu, sadhu.